Section 17 de La grammaire de Mademoiselle Lily par Jean Massé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. 17. L'adverbe. Tu as demandé au bon Dieu d'être bien sage. Bien. Voilà une espèce de mot que nous n'avons pas encore vu. Celui-là, c'est un adverbe. On l'appelle ainsi parce qu'il s'ajoute au verbe, comme l'adjectif s'ajoute au nom, pour préciser sa valeur. Tu connais le jeu de la marguerite. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout. Tu as là quatre adverbes sur lesquels le pauvre verbe aimer est ballotté comme un volant sur des raquettes. Ce sont eux qui disent ce qu'il vaut, car tu conviendras qu'aimer passionnément, ou bien ne pas aimer du tout, ce n'est plus la même chose. C'est comme notre maison de l'autre fois, qui devenait une masure, une maisonnette ou un palais, selon les adjectifs qu'on lui donnait. « Mais, maman, j'ai demandé d'être bien sage. Sage, ce n'est pas un verbe. »« À la bonne heure! Voilà une petite fille qui fait attention à ce qu'on lui dit. » L'adverbe s'ajoute également aux adjectifs et même aux autres adverbes dont il change aussi la valeur. Plus et moins sont des adverbes. Il est clair que ce n'est pas non plus la même chose d'être plus sage ou moins sage, de se conduire plus sagement ou moins sagement. Fin de la section 17, enregistrée par Ezoie, en Belgique, en mars 2021.